L'intersection présentée comporte quatre branches. La seule particularité vient du fait que deux branches côte à côte comportent un stop. Cela implique que les deux autres branches forment l'axe qui a la priorité. La voiture blanche au stop doit donc céder le passage aux deux autres voitures. Alors, comment s'organise l'ordre de passage? La voiture rouge reste sur l'axe prioritaire, elle passe la première. La voiture bleue passe derrière elle. Enfin, quand il n'y a plus personne, la voiture blanche démarre.